Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la question est vite répondue. Ce soir, pour le tour de table, on va demander à Antoine. Apparemment, il a un petit tour de table. Oui, parce que moi, j'ai préparé mon podcast. Il faut le dire. Il y a du laisser aller ces derniers temps. On n'était pas là ces deux, trois dernières semaines. Mais on revient. On avait le Covid. On avait le couvre-feu. On nous a emmerdé. Tu t'es fait tester négatif, toi? Ouais. Ah, c'est vrai, vous avez tous fait un petit test Moi, non. Non, il n'y a que Halwa qui s'est fait tester. Ouais. Gabi, tu t'es pas fait tester, toi? Tu n'étais pas malade il y a une semaine? Il m'écoute pas. Moi? Ouais. Non. Non, tu m'écoutes pas ou non, tu t'es pas fait tester? Les deux. Les deux, mon capitaine. Et donc, qui nous avons ce soir autour de la table, Antoine? Alors, dans un premier temps, on va parler de Gabi. Certainement l'homme le plus beau de ces 9 dernières années. C'est certes un homme blanc, hétérosexuel, malheureusement vegan et écolo. Mais que des qualités. Ouais, mais il ne se limite pas à penser comme la société le souhaiterait. Il est nouvellement responsable commercial et dans très peu de temps chef d'entreprise qui loue des vélos électriques à d'autres entreprises. Métier de rêve, métier d'avenir. Exactement. Seul l'avenir nous le dira. Et pourquoi seulement les 9 dernières années par contre? Avant, je ne connaissais pas. Si. Ah, si, il n'était pas très beau. Ouais, avant, tu te souviens de ta coupe de cheveux? Trop de cheveux. Tu veux qu'on en parle? Il y a eu quelques cicatrices aussi. Ouais. Ensuite, qui avons-nous? Helwa, expert comptable de profession, mais il a su accumuler les expertises dans de nombreux autres domaines, tels que les sucreries et l'Algir. Les rigolades aussi. Hein. La rigolade, il est pas mal. Okay. C'est un expert tout court. Algir, plus aucun secret pour lui là-dedans. Mais il est aussi très doué dans le domaine cardiaque, puisqu'il il possède un doctorat dans le Love Game. Et ça, c'est bien utile. C'est même pas donné si à tout le monde. Même si célibataire d'ailleurs, mesdames, si vous nous écoutez. Cœur à prendre. Postuler au 3617. Numéro surtaxé. Envoyez pas de petit ASV. Profit. On voit là le comptable. Ensuite, notre animateur préféré, Simon, producteur de ce magnifique podcast, est lui aussi chef d'entreprise depuis plusieurs années. Ah là là. Il est aussi à la tête d'un empire immobilier dans le 95 et bientôt à la tête d'une famille de petits Algériens. Encore eux. Attention, ça va être violent. Toujours. Ça arrive. On sent qu'il commence à placer ses pions. Et quand on parle de ses pions, on parle pas. Et enfin, pour finir, j'étais l'homme le plus musclé depuis que le muscle existe. Il est rédacteur en chef de Muscle Magazine, mais aussi expert en l'art de se mentir à soi-même. Puisque selon ses dires, il est toujours en coloc avec son plein cul, alors qu'il est paxé avec une fille dont il est fou amoureux. Et pas seulement quand elle lui fait des crêpes. Mais Antoine, c'est pas toi le président de Mensonge Magazine? Bah, j'ai pris la relève, mais je pense qu'il a quand même encore un peu d'avance. Il a racheté Denis Magazine. J'ai des parts dans ça. Donc voilà, petit tour de table de tout le monde, et puis moi-même. On me présente plus parce que je suis quand même assez connu maintenant. L'homme t'es pas présentable. Tu es mise aujourd'hui. Et on a des petits fun facts. Qui veut commencer? Bon, moi, je viens de parler 10 minutes, donc vas-y, lance-toi, Gabi. Ouais, j'en ai deux petits. Alors. T'en fais un, j'en fais un, t'en refais un. Et puis après, on va se coucher. Ouais, exactement. Ouais, ça me paraît pas mal bien. Comme programme. Parce que le couvre-feu. Le couvre-feu. Alors. On va en faire un jingle. Alors, j'étais parlé de cicatrices tout à l'heure. Ah, les cicatrices que t'avais sur le visage. Effectivement, que j'ai toujours. Et que t'as dans le cœur. Et ça, on en parle peu. Non, ça va. Parce qu'il a eu des petits pansements. Mickey. Alors, il y a une Canadienne. Mickey Minaj. Qui a accouché d'ailleurs. Elle a été, elle est maman récemment. Voilà. Elle... Petite info, Nicki Minaj est maman. Ah non, c'est pas vrai. Elle a accouché de ses fesses. Elle a accouché de jumeaux. Moi, j'y pensais après, je me suis dit non, c'est lourd, on est au-dessus de ça. Et puis en fait, non. En fait, non, on est à ce niveau. On est en plein dedans. Alors, il y a une Canadienne qui s'est un petit peu plaint envers l'Italie et particulièrement Pompéi. Est-ce que vous sauriez pourquoi? Est-ce que c'était à la suite d'une visite sur le lieu de touristes? Oui, il n'y a que ça à faire à Pompéi. Bah, je sais pas, il y a un volcan. Apparemment, c'est très, c'est pas terrible, les ruines de Pompéi. Ah, moi j'ai adoré. T'as adoré? Ah, je suis allé l'année dernière, c'était très bien. C'est poignant, non? C'est poignant, ouais. De voir les gens. Tu vois encore des fresques intactes. Tu vois toutes les ruines. Comme c'est pas tellement les fresques. Est-ce qu'il s'est pas plaint de ça, justement, qu'il n'y avait pas de vidéo HD de l'époque? Oui, par contre, il n'y a rien. Non, mais c'est les corps dans le. Oui, par contre, tu vois les corps aussi. Tu vois quand même des corps encore? Tu vois des enfants, des chiens, des. Ah ouais? Des os? Non, ils sont dans leur enveloppe, là, tu sais. Ils ont été enveloppés par la cendre, et du coup, en fait, ils sont tels qu'ils ont été, tels qu'ils sont morts. Tu les as retrouvés, donc ils sont exposés comme ça. Ils sont morts comme ça, là. C'est chaud. Dommage qu'on puisse pas voir la façon dont tu mimes. oui, c'est quand même dans une émission de radio. Bientôt, Inch'Allah, on sera sur YouTube. Ce serait bien. On pourrait. Il faudrait une vidéo. Une ouais. caméra, là, sur à l'angle. Ouais, mais vous voulez rester anonyme, donc ça va être compliqué. Je mettrai un masque. Bon, sinon, le. Ouais, j'avoue, le. Chercher. Hein. C'est plein, contre l'Italie. Elle a un souci avec Pompéi. Et faut, voilà, à vous de deviner ce que c'est. Est-ce que ça ressemble. Vas-y. Non, elle pensait que c'était pas ça, Pompéi. Elle pensait que c'était. Non, alors en fait, c'est lié à une première visite qui datait de 15 ans auparavant. Ah, peut-être que c'était avant l'éruption. Avant l'éruption. Depuis le temps. Avant. Elle a visité avant l'éruption. Non, elle y est qu'une fois. Et elle y est pas retournée depuis, mais elle a un problème avec Pompéi. Est-ce que c'est une vieille femme? Non, elle a 36 ans maintenant. Donc elle était jeune, à l'âge des bêtises. C'est une Canadienne. Hein. Oui. Est-ce qu'elle a pas visité Pompéi aux États-Unis? Elle a cru que c'était la même chose. Oh putain. Non. T'as cru que c'était vraiment les Belges? Les Canadiens, c'est les Belges des Américains. Ah ouais, et vous voir le niveau des. Ouais, les Américains. Les Américains, c'est les Belges du monde entier. Belges des Belges. C'est un peu lié à une histoire que. Ah, les cicatrices. Ah, tu parlais de cicatrices. Ouais. Elle pensait retrouver sa cicatrice. Elle avait gravé quelque chose et ça a été enlevé? Non. Elle est tombée, ça fait une cicatrice. Non. Je crois qu'on va pas trouver. Non, vous n'allez pas trouver. Dans la forêt de Montmorency. Sur des cailloux. Non, c'était lié au détail qui était un peu une pièce. C'est-à-dire qu'elle a, lors de sa première visite, elle a volé des objets à Pompéi. Et c'est des faux. Elle n'était pas arabe. Elle considère. C'est bizarre, pas que les arabes qui volent. Bref. Non, elle s'appelle Nicole. Et elle considère que ces objets lui ont porté malheur. Ah, et c'est pour ça qu'elle en va à l'Italie. Et du coup, elle a renvoyé tous les objets à Pompéi en disant que c'était des objets maudits. Okay, ça lui apprendra. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des objets de malheur comme ça? Je crois qu'on en a déjà parlé. On en a parlé. Ok, donc elle est triste. En bas de la vidéo, on mettra un lien vers précédent épisode qui s'affiche en bas à droite de votre écran. N'oubliez pas, à ceux qui nous écoutent, de vous abonner. Ça nous aidera pas mal. Pour suivre les. On a combien d'abonnés? D'abonnés, ouais. On en a 12. 12 millions. C'est incroyable. Millions. Abonnez-vous et activez les notifications, s'il vous plaît. La cloche. Et partagez. Pouce bleu, s'il vous plaît. Oui, aussi. Je sais pas s'il y a des pouces. Il n'y a pas pouce bleu sur Spotify ou sur Deezer. Pouce vert. Ouais, pouce vert. On s'adapte à tout. Ah mais ok, du coup elle a volé les objets et maintenant elle se plaint. Double cancer du sein, un truc comme ça. Ah ouais, elle a pris cher. Ah oui. En même temps, elle a volé la meuf. C'est tout. Double cancer du sein, putain. Et ouais. Cancer des testicules. C'est improbable. Non, par contre, c'est vrai que c'est plein de pas en avoir. Quoi ? C'est plein de pas en avoir. Certainement à cause d'objets. À cause de Pompéi, certainement. Ouais. Comme quoi, faut jamais voler dans un lieu aussi symbolique. Ah, surtout avec autant de préférence. Ouais, c'est bien. Bon, après, c'est de la superstition, mais. Et ça va mieux depuis qu'elle a rendu les objets? Je sais pas si elle vient de le faire. Elle a guéri du cancer. On verra. On attend ces nouvelles. J'espère que tu feras ton enquête journalistique. Absolument. Tu contacteras cette Nicole. Mais parce qu'on a nos cartes journalistes maintenant. Oui. On a un devoir envers la société. J'aimerais bien, parce qu'on a des beaux avantages, je crois. Ah ouais, les journalistes passaient en priorité dans les événements. Et ils payent quasiment rien quand ils veulent rentrer dans un lieu. C'est assez incroyable. Sérieux? À ce qui paraît, ça peut même marcher avec la police. De quoi? On m'a raconté une histoire comme quoi quelqu'un voulait gruger une file et il s'est fait arrêter par la police et il avait en fait une carte d'un journal, je citerai pas le nom. Et du coup en fait la police se faisait fournir de ce journal gratuitement. Donc il a pu passer à l'œil. C'est bon à savoir. Ouais, je pense que c'est bien d'être journaliste. Hein. En parlant de police, rebondissons sur mon fun fact. Enfin, mon fun fact. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'a découvert un homme après 30 ans de cavale en Chine? Donc, il est parti. C'est un Chinois qui est en cavale de Chine. Comment? C'est un Français, non? Non, c'est un Chinois. Un Chinois qui est en cavale en Chine. Il avait des enfants. Non, il était en cavale depuis 30 ans. Il était en cavale de quoi? Alors, il pensait. C'était suite à une bagarre. Ça rigole pas, la Chine. En Chine. Et il pensait avoir. Enfin, il a grièvement blessé un homme et il était parti en cavale. Est-ce qu'il a découvert que le pangolin ne se mangeait pas? Non. Tu sais qu'ils ont plus rien, eux, maintenant. Ils vivent leur meilleure vie en Chine. Ah, ça, c'est un autre débat. On invitera le spécialiste de la question dans un prochain débat. Mais... Pourquoi tu me regardes? Je sais pas, c'est qui le spécialiste de la question? Quelqu'un qui n'est pas là sur les reconnaissances faciales. Est-ce qu'on doit immiscer la technologie pour nous sortir de cette crise? Cobbs. Mais sinon, qu'a-t-il découvert? Il a découvert qu'il n'était pas chinois et que ce n'était pas lui qui s'était bagarré. C'était que dans un rêve. Il a découvert qu'il n'avait pas tué la personne. C'est un peu comme ça. Il l'a pas tué. Un petit peu, ouais. Il le savait pas déjà au début. En fait, il allait se rendre à la police. Au bout de 30 ans? Ouais. Parce qu'il était rongé de remords. Ah ouais. Puis ça devait être fatigant, hein, cavale. Ouais. Mais la police le poursuivait vraiment activement. Non, justement, la police, il a découvert au bout de 30 ans qu'il était innocent. En fait, il n'était pas en cavale, le gars. Personne le cherchait. Il s'est fait. Et il vivait dans la forêt. Il s'est fait une vie. Non, mais c'est ça, il travaillait dans les mines et il vivait dans des petits villages parce qu'il essayait d'éviter la police. Oh putain. Et en fait, il a fini par se rendre à la police qui lui a dit: mais en fait, il n'y a rien, monsieur. Mais vous êtes qui? Et en fait, il était revenu sur le lendemain du crime, il était revenu sur les lieux de l'altercation et il avait vu une voiture de police et du coup il s'est monté la tête, il est parti dans un game pendant 30 ans. C'était vraiment le mec. Ah ouais, il s'est fait des films. Il s'est inventé une vie. Mmh. Il a gâché sa vie. Est-ce qu'on peut dire qu'il a gâché sa vie? Ah, je pense. Moi, il m'est arrivé vendredi soir en rentrant de. Je voulais me dépêcher parce qu'il y avait le Covid, le couvre-feu. Et en COVID, rentrant de chasser. J'étais poursuivi par le Covid. Tellement plus drôle que ça soit un vrai monstre, le Covid. J'ai 3-4 Covid derrière moi. Qu'est-ce qui est Covid? Et du coup, je roulais peut-être un petit peu vite à moto dans les rues parisiennes. Et j'ai percuté une mamie. Non. une joggeuse. Mais non. Elle est sortie de nulle part, j'ai rien pu faire. Sur la route, bien sûr. Non, elle traversait sur le passage piéton. Elle était bien dans les clous. Mais elle a pas regardé. Elle a regardé. Elle s'est arrêtée au milieu et j'ai tapé dedans. Comme un lapin. Comme un lapin dans les phares. Oh, putain. j'ai cru que j'avais envoyé voler. Elle est tombée, je pense, mais j'ai pas vu. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que t'as fait du coup après ça? Bah du coup, je suis parti. Est-ce que vous en feriez autant? Ah non, t'es pas parti. Non, je suis pas parti. Je me suis arrêté. C'était une femme. Ouais, mignonne. Enfin, ouais, ça va. Tu l'as engueulée parce qu'elle a cassé. Il l'a pas engueulée parce qu'elle était mignonne. T'entends pas? C'est injuste. Non, mais en vrai, je m'attendais. Il y a tout le monde qui s'est attroupé parce que c'était juste avant le couvre-feu. Et je m'attendais à ma, enfin, j'ai failli me bicher, je sais pas, j'ai réussi à pas me bicher. Bicher, terme des années 90. J'ai failli tomber. Et du coup, je me suis arrêté, j'étais la voir, elle était par terre. Et en fait, ça va, elle était pas en état de choc ou quoi que ce soit. Et par chance, elle faisait du scooter et elle était assez réaliste. Elle savait qu'elle avait abusé à sortir de nulle part en courant avec son casque. Et t'as juste trouvé mignon, je pense. Non, je pense pas. Ouais, t'as repéré depuis 3 rues. Ouais. elle me courait après. C'est le moment, je me jette. Et du coup, est-ce que. Peut-être que je rencontre l'amour. Ça vaut le coup. Quitte ou double. Et du coup. Si je l'avais cartonné en voiture, je pense qu'elle aurait fait des supérieurs. Elle s'est morte. Ouf. Bah, 40 km/h, je pense, au moins. Est-ce que tu aurais dû appeler Carglass? je pense que oui. Je pense. Et je m'étais déjà fait la réflexion de savoir si je percute un gars. Est-ce que tu fuis? Est-ce que tu restes? Quelle est ta réaction? Ouais. En Chine, tu l'écrases? Alors, Chine, vaut mieux, mais bon, en Asie, globalement, ouais. Ouais, tu lâches la marche arrière. Ça coûte moins cher de. Pour pas payer les soins. Voilà, ça coûte moins cher de tuer les gens que de payer les soins. Exactement. Non, mais le réflexe, normalement, c'est d'aider un petit peu, je pense. Ouais. Ça dépend. Si c'est une femme ou pas. C'est comme ça. Ça coûte cher, en vrai. Ça te ruine ta vie, en fait. Mais après, c'est le risque. L'assurance prend le relais, hein. Ouais. Ici. Ton assurance. Si tu fuis pas. T'as un gros malus. Après, toi, tu prends le relais de l'assurance financièrement. Bah, je pense que. Après, on pourra dévier sur les assurances qui ne remboursent pas les gens. Une anecdote. J'avoue, il m'arrive trop de trucs en fait. Ah, ta vie est passionnante. J'avoue que. Tu devrais partir en cavale, peut-être que ça te. Je pense que je vais partir à moto. Non, par contre, moi, plusieurs fois. Deux fois. J'étais pareil en scout et je faisais des infractions au code de la route. Je n'ai pas percuté quelqu'un. Mais. Des motards m'ont arrêté pour mes infractions. De police ou des motards comme ça? Des motards de. Non, les motards de gendarmerie, sinon j'en parlerai pas. Et par plusieurs fois, vu que moi, je respecte plus ou moins comparé à certains scooters ou motards, et que vu que pendant qu'ils m'arrêtaient, les mêmes motards faisaient des conneries encore plus grosses, et il ne m'arrêtait plus, il pourchassait les autres motards. Donc j'ai eu par plusieurs fois de la grosse chatasse. Deux fois ça t'est arrivé ? Ouais, deux fois. Putain. Alors, deux fois. Fois merci les autres d'urgence. De quoi ? Donc une fois sur une bande d'arrêt d'urgence. Oui, une fois sur une bande d'arrêt. C'est-à-dire, tu faisais que t'avais fait quoi ? C'était sur la N318, là, 18, à côté. 315. Bon, bref. C'est moi, j'ai dit N318, je me suis trompé. N315, où en fait, tu as une voie et une énorme voie d'arrêt d'urgence ouais. Que tous les motards prennent, sans exception. Parce que c'est pratique et ça peut être une voie motarde. Ça m'est arrivé de me faire arrêter par les flics ici. Et les flics étaient outrés qu'on le fasse tous. Sauf que moi, comme j'étais le premier de la file et qu'ils étaient, allez, 3-4. Scooter derrière moi, ils pensaient que j'étais le seul. Sauf que quand je me suis arrêté, ils ont vu qu'il y avait des mecs qui passaient à 130 à leur droit. ils sont remontés sur leur bécane, ils l'ont pour ça. Ils venaient de m'arrêter, ils n'étaient pas encore descendus, et ils commençaient à m'engueuler. Ouais, vous comprenez ? Enfin, le refrain classique. C'est à cause de vous, les scooters, que nous, les motards, d'ailleurs, on se fait engueuler. Et là, t'as 2-3 motards qui passent à 130. Des motards, même pas des scooters. Non, des motards. Ah, ouais. Putain. Des motards qui passent à 130 et me disent oh putain. Et là, ils sont repartis instantanément. Roger, mets le biton. ouais, non, mais c'est. Donc voilà, ça arrive quelquefois. Je sais pas si tu as des anecdotes halwa. Avec la police. Moi, j'ai plusieurs anecdotes, sauf qu'ils se sont jamais, ils sont jamais repartis après m'avoir arrêté. Ah, c'était plutôt l'inverse. C'était toujours lui le gros poisson. C'est-à-dire que tu les as tués. Bah, je les ai enterrés. En même temps, t'es algérien? Mais une fois, ils m'ont arrêté parce que j'avais pris une bande d'arrêt d'urgence, peut-être 200 mètres avant la sortie. C'était ultra bouché sur l'autoroute. C'est beaucoup, quand même. Et bah, j'avais vu d'autres personnes le faire et je me suis dit, bah, je vais le faire aussi. Comme ça m'évite d'attendre et c'est pas pour gruger. Parce que, et bon, c'est pour libérer de l'espace aussi, exactement. L'espace de derrière toi. Exactement. Et beaucoup de monde le faisait. Je me suis dit, bon, allez, j'y vais, je suis à 200 mètres. Je le fais et boum, Giro derrière moi, il m'arrête. Et oui, monsieur, vous roulez sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, j'en suis bien conscient. C'est une contravention. Vous perdez, je sais pas, c'était 2 points. Trois, je sais plus. Ouais, t'as raison, 3. Et du coup, ils m'arrêtent et ils font le tour de la voiture. Ils me disent, et vos 2 pneus à l'avant, ils sont lisses. C'est 45 euros d'amende par pneu. Et je descends de la voiture. Je fais, ils sont pas lisses du tout. Mes pneus, ils sont en très bon état. Ils me disent, ah bon, vous voulez qu'on fasse appel à une fourrière pour qu'elle vienne dégager la voiture et qu'elle constate elle-même l'état des pneus? Et ça sera à votre charge. Et toi, j'ai pas envie de. Car t'étais pas serein dans ton. dans non, il fallait payer. Non, parce qu'il fallait payer la fourrière. Ouais, mais si c'est eux qui l'appellent, la dépanneuse. Si t'étais dans non, plus, ton bon droit. Prenais ta voiture. Mais j'étais dans mon bon droit. Ah, même si t'étais dans ton bon droit, tu payais. Voilà, s'ils t'appellent la dépanneuse, ah ouais, ils t'ont fait un chantage. Ils t'ont fait du chantage. En voilà, en gros, ils m'ont dit c'est soit tu vas payer plus de 135 balles, je sais pas quoi, soit tu payes tes 4. Gros, dans tous les cas, tu vas payer. Combien tu veux payer? C'est ça. C'est vraiment. Ouais. Et moi j'ai déjà été arrêté par la police en moto aussi. On faisait des bêtises avec Antoine et moi je me suis arrêté par Antoine. Ah bon ? Oui. Quand ? On faisait des bêtises. On avait passé un feu rouge sur une d'urgence. Ah oui, c'était toi la victime. Porte de Pantin. Porte de Pantin ? À Hermont ? Ah oui, je m'étais barré. Et t'étais parti. Non, ça non, c'était avec moi. Ça c'était à une époque. Alors, c'était qui ? C'était Antoine et moi. C'était... Encore moi. Parce que moi j'ai un vieux souvenir de. Oui, t'étais avec moi. Moi j'étais dans la bonne voiture. Ça. Ah oui, mais là c'était moi qui m'étais fait arrêter. On faisait une course et. En voiture. Il a voulu prendre un raccourci. Non, j'ai voulu faire une filouterie. Et sa filouterie lui a coûté cher. Non, au final ils m'ont laissé partir. Délit. Parce que t'étais blanc. Oui, bah oui. Et ils t'ont demandé où j'étais. J'ai dit, connais pas. Je connais pas. C'est bien. Je parle en sport. Bien joué. Donc, non, mais si jamais je dois. Percuter quelqu'un ou je m'arrêterai, je pense. Sauf si je suis full hors la loi, auquel cas c'est sûr que tu n'as. Tu risques. T'es mal. Ouais. Je pense que je m'arrête aussi. En fait, je pourrais pas être serein si je sais pas dans quel état j'ai laissé la personne. Ouais. Impossible. Avec ta conscience, tu seras mal. Mais si tu sais que tu l'as éclaté complètement. Non, je m'arrête quand même. En fait, je me dis, je préfère assumer tout de suite plutôt que d'avoir ça, aujourd'hui, assumé d'autres trucs. Ouais. Ça, aujourd'hui, avec les caméras et tout, ouais. Il te retrouve. Il te retrouve. Non, franchement, tu te retrouves assez facilement. C'est trop tendu, ça. À part si tu veux finir en cavale. Après, tu peux t'inventer des vies aussi. Hein. Tu peux faire quoi ? Tu pars 30 ans. Alors que l'autre, il est juste la cheville cassée. Est-ce que vous pensez être plus heureux en cavale ou dans votre vie actuelle ? Est-ce que la cavale. Bah, si t'as pas de thune en cavale, c'est horrible. Non, en plus, en cavale, tu peux rien faire, frère. Tu vis au jour le jour, ouais. Tu t'attaches. Après, ça dépend quel type attention. De quel avis de recherche qu'il y a, parce qu'en vrai, il y a vivre en cavale et vivre en cavale. C'est genre t'as braqué un fourgon de 7 millions d'euros ou alors Ou alors t'as renversé une personne. Par exemple, comment il s'appelait le Tony Muselin. Tony Muselin. Encore les Muselin. Encore les Tony, on voit bien. Est-ce que comme Tony Muselin, vous préférez aller faire 4 ans de tôle et vous savez qu'il y a 10 millions qui vous attend? Ah oui, trop risqué. Pas, toi. Ah, tu seras surveillé quand même à la sortie. C'est hein. le faux braquage de son fourgon. Ah, c'était exact. Un convoyeur de fonds. Ouais. Convoyeur de fonds qui, je sais plus, il a eu combien, 20 millions d'euros? Je sais plus. Non, c'était ouais, moins ils ça. Ils ont retrouvé une bonne partie. Ils ont trouvé une bonne partie, mais l'autre partie. Ouais. Oh, pour 2 millions d'euros, ma vie, il ne vaut pas 2 millions d'euros. Je pense qu'ils le suivent après qu'il soit sorti en prison. De toute façon, ça va se voir si le mec est pété de thunes après. Mais sur le coup, la police judiciaire de Lyon, elle était à l'affût pour retrouver cet argent, pour le prendre pour elle. Pour elle, ouais. Il y a eu cette. Il y a eu une affaire qui a éclaté à ce sujet. Alors, il avait 11 millions d'euros. Ouais, il y en a 7 qui ont été retrouvés, non ? Il est sorti en 2013. Ah, il est sorti déjà ? Ah bah oui, c'était un autre. Alors, ils ont retrouvé 9 millions, donc il en manquait 2,5. Il a été arrêté l'année dernière à Londres parce qu'il tentait de changer la somme de 50 000 euros en liquide. 50 000 euros, c'est tout. Dans un bureau de change. Putain. Ah, c'est pas énorme. Ils l'ont retrouvé, alors ? Le mec est discret. Ah, mais 50 000 euros, c'est pas énorme alors. Non plus. Ouais, non, mais 50 000 euros... Mais ils vont lui faire quoi avec 50 000 ? C'est rien, 50 000 ? C'est rien, en vrai, hein. Bah, il voulait pas changer 2,5 millions d'un coup dans un bureau de change. Il a dû changer beaucoup d'argent et là ils l'ont attrapé à son bar. Ouais, mais du coup il a purgé sa peine. Ouais, bon, il l'a purgé. Du coup pourquoi il se ferait arrêter pour changer 50 000 euros? Mais je crois qu'ils l'ont pas retenu longtemps. Non, dans sa peine c'était rembourser aussi la somme totale. Ah ouais? Ah oui, c'était ça normalement. Non, mais à partir du moment où t'as volé de l'argent, même si t'as purgé ta peine, l'argent que t'as volé, tu l'as pas en fait. C'est pas ton argent. Même si ça facile, viens me chercher. Sinon moi aussi je fais 4 ans de prison et j'ai 10 millions. Ah bah là, c'est la question. Est-ce que vous êtes prêt à faire clairement oui. 2 ans de prison pour 10 millions d'euros. On dit ou d'azé. Non mais si en plus ça se sait en prison que t'as 10 millions d'euros, les gens ils vont vouloir te planter pour que tu te donnes la thune. Non, ils vont rien faire. T'as une sale vie derrière. T'as une sale vie derrière. Mais non, mais tu restes pas vivre en France après. Tu t'en vas. Ouais, mais les autres aussi. Et tes potes, ils peuvent partir de la France. Tu en achètes de nouveau. Avec 10 millions, t'as quoi comme pote? T'en as 5. Plus raisonnable, 6 mois de prison pour 500 000 euros. Ouais, je les prends. Je les prends clairement. Non, moi, je suis pas trop chaud pour faire de la prison. Ouais, non. 500 000 euros. Moi, je pense que ça peut être marrant. Ça dépend. T'as le temps de faire la muscu. Non, c'est une expérience. Toi, clairement, tu vas ramasser le savon. J'espère. Franchement, 6 mois, 500 000, t'auras jamais un retour sur investissement aussi bon. Ouais, j'avoue. Regarde, Youssef, ça fait 3 ans, il se bute dans son entreprise. Bah, si, ça dépend quel poste tu as, mais. Non, parce que moi, 500 000. Jean-Pierre Pernaud, je pense 6 mois, 500 000, je l'ai fait. C'est ce qu'il fait, hein. 6 mois, 500 000, tu les fais pas? Non. Ouais, parce que toi, t'as une famille maintenant. Exactement. Ouais. Oh, mais 6 mois, c'est des grosses vacances. Ouais, voilà. On a bien été confinés. Tu reviens hyper musclé. 2 mois. 3 mois. Ouais, voilà. Après, ça dépend. Un anus écarté, quand même. Ouais, mais c'est une légende. Ça dépend. 6 mois, ça va. Ça dépend ce que t'as fait. Si t'es pédophile et tout, ouais, là, t'es pas bien. Mais là, si t'es pédophile, on te viole, mais est-ce que c'est pas le but? Non, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder des documentaires sur l'univers carcéral en France et puis on regarde ensemble. Hein, ah non, mais c'est pas beau. Mais 500 000 euros quand même. Je sais pas, il doit y avoir des reportages. Je sais, ils font de la pub en ce moment pour devenir surveillant pénitentiaire. Ouais. Pour être au cœur de la justice. Et cœur de la justice. Pour se prendre des insultes. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il y en a qui gobent ça? Quand ils regardent la pub, ils disent putain, c'est ça que je veux faire en fait. C'est vrai que ça a l'air stylé. Je veux rendre justice. Qui se dit ça? Ceux qui te mettent des appels de phare sur l'autoroute parce que tu vas trop vite. Les vrais justiciers. Et vous avez pas vu le nouveau spot de la pub? Incroyable. Devenez surveillant pénitentiaire. Ils ont des beaux vêtements et tout. Bien repassés, bien. Swag. Et genre, il ouvre le parloir au mec qui va retrouver sa femme. Putain. Et est-ce que. Les mecs sont pas blanc-blanc, hein. Aux États-Unis, je regardais un truc sur Netflix aussi. Une petite licorne. Sur le droit de vote, ouais. Et il y a. Les mecs qui ont été convicts, qui ont été condamnés. Je prends mes mots. Comment dire condamné? Convicted. Pardon ma French. Qui n'ont plus le droit de vote. Ah ouais? Ouais. Ah oui, dans des États, j'ai vu ça sur. Ouais, dans certains États. C'était pour éviter. En fait, ils avaient cette loi, c'était pour éviter aux Noirs de pouvoir voter parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de lois anti-Noirs. En fait, dès qu'il y avait un truc contre les Noirs, ils pouvaient être condamnés. Et donc, ça évitait de donner le droit de vote aux Renois. Les Républicains qui faisaient ça pour être sûr de. Parce que les Noirs votent plus démocrates, etc. Exactement. Et du coup, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a. Devrait perdre le droit de vote? Non, par contre, je pense que tout le monde ne devrait pas avoir le droit de vote. Bah ouais, c'est, en fait, c'est ça le. C'est les ça femmes. Le... pas du tout, pas du tout. C'est ce que tu m'as soufflé à l'oreille pour que je le dise. Déjà, je pense que 18 ans, c'est un peu tôt pour le vote. Moi, bon, ça change pas grand chose. Mais je mettrais déjà 21 ans. Je trouve les gens plus matures à 21 ans qu'à 18. Mais. Je sais pas. Quand t'es con à tout âge. Ouais, je pense. Et, quand, et du coup, on devrait pas laisser voter les mecs de plus de 80 ans. Plus de 60 ans. Ouais, parce qu'ils ont pas d'avenir. Ils votent pas pour l'avenir. Non, mais c'est vrai, quand t'as 60 ans, tu vois le court terme. Mais si, tu votes, tu votes tes enfants. Ans, tu votes pour tes enfants. Ton père, il va sur ta retraite surtout. Ton père, tu lui retires le droit de vote. Ben, mon père, je lui retire le droit de vote. Bah, en fait, les lois, normalement, c'est pour le futur, tu vois. Forcément, enfin, un mec qui a 60 piges et plus, il votera au court terme. Dans ce cas-là, tu vires tous les politiques qui ont plus de 60 ans et t'as plus personne en politique. Ah, là, je suis d'accord. Non, il n'y a pas plus personne. Il y a justement des nouveaux gens, des nouvelles personnes. Dommage qu'on puisse pas voir la licorne sur la tête d'Antoine. Je pense qu'il faut pas leur donner le droit de vote à ces gens qui ont des licornes. Ouais. Non, mais en vrai. Pourquoi tu ferais voter quelqu'un qui pense au court terme ? Le droit de vote, tu dois le donner à tout le monde. Mais t'as des gens qui pensent, qui ont plus de 60 ans, qui pensent à long terme, qui pensent par exemple tous ceux qui défendent l'écologie et qui sont contre le réchauffement climatique. T'as pas mal de gens qui ont plus de 60 ans et qui pensent justement aux générations futures. C'est pas mal de gens qui ont quand même bien profité pendant 60 ans à cracher sur la planète. Qui sont censés qu'ils ont craché sur la planète. Quoi ? Non mais ils vivent vécu... avec leur époque, mais. Ouais, ouais mais le problème c'est que. Là ils essaient d'agir. En France, démographiquement, aujourd'hui, il y a les soixantenaires un peu plus qui vivent aujourd'hui ont toujours été la majorité. Les sextagénaires ont toujours été la majorité à cause du baby boom. Du coup, c'est eux qui ont décidé pendant 60 ans et ils décident encore. Bon, plus pour longtemps, mais ils décident encore. On arrive en force, hein, Sahbi. Tu devrais interdire, par exemple, aux politiques qui ont plus de 70 ans de faire de la politique. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis pour. Avec le droit de vote, par exemple. Bah, pourquoi pas ? Moi, je suis pour. Hein. Moi, je suis pour les deux. Hein. On est d'accord. Bon, bah, on va faire voter ça, alors. Mais on ne peut pas, parce que malheureusement, il y a une majorité de gens de plus de 60 ans qui ont le droit de vote aujourd'hui. Vous avez jamais pensé à vous engager en politique ? Non. Négatif. Je me dis qu'il faudrait le faire, mais j'ai pas envie qu'on m'attaque sur ma vie privée. Voilà. Ouais, mais ça, on t'attaque sur ta vie privée. Surtout que c'est pas joli, quoi. C'est sûr que. Non, mais c'est. Les mallettes que t'emmènes en Suisse toutes les semaines, c'est pas discret. Non, mais c'est aussi se dévoiler publiquement et. C'est se dévoiler publiquement et c'est pas trop. C'est ce qui me fait peur en fait, c'est les pressions politiques. Après, ça dépend au niveau de la mairie. Moi, par exemple, être maire, ça pourrait être sympa. Pas forcément tout de suite, mais. T'as envie d'enfanter. Oh, mais faut être maire. Si t'es maire d'un petit village là où t'as tous les vieux qui viennent se plaindre, il n'y a plus d'eau chaude, il n'y a plus assez de fleurs sur le rond-point. Il y a le voisin qui fait du bruit avec ses coques. Non, c'est un vrai souci, hein, les coques en campagne. Il fait du boucan. Non, ça c'est les Parisiens qui vont en campagne qui se plaignent. Ah. Oui. C'est pas les. Non, dis donc, le voisin, il a pris un mètre sur mon terrain, là. Il m'a volé ma boule. Il veut pas couper son pommier. Ça, c'est ma vache, hein. C'est pas sa vache, hein. Ouais, c'est des. En fait, avoir à gérer des gens bêtes, ça m'intéresse pas. Après, c'est vouloir te dédier à ta communauté. Ouais, mais tu vois, avec l'histoire du droit de vote à quelques personnes, en fonction du test de QI, ça peut être cool. Ouais, mais. Ils sont pas forcément bêtes, hein. C'est juste qu'ils. Et puis le test de QI, tu testes comment ? Si tu testes comme l'éducation nationale, qui teste que sur certains points. Ah, c'est sûr que le projet de loi n'est pas encore mature. Je suis d'accord. Mais on va creuser. Mais avoir une petite salle des fêtes à ton nom, ça va être sympa. Ah, quoi ? Une salle des fêtes à ton nom, quand t'es mère. Ah, tu te fais construire ta salle des fêtes. J'avoue, ma mère, elle habite dans une rue qui s'appelle Émile Parquet, qui a été maire de son village pendant 5 ans. Et constructeur de toutes les maisons, tous les sols. Il s'occupe de tous les sols. Depuis 5 ans, elle s'est fait un truc à son nom. Quoi. Qui excellent. Ouais. Bah, dis donc. Il est bien. Hein. Non, mais après, si tu veux devenir. Enfin, si tu veux atteindre un poste un peu plus élevé, bah, faut que. Je crois que tu agresses sexuellement des gens. Et tu insultes une communauté en particulier en ce moment, ça marche bien. J'ai remarqué que c'était bien. Bien rétribué. C'était porteur. Le ROI est positif. Mais ça, c'est avéré, du coup ? De quoi ? Qu'il a fait du chantage ? Je sais pas, ouais. Il a violé ? Après, il n'a pas été jugé, c'est le problème. Bon, certaines personnes, pour des faits similaires, sont en prison. Mais bon, vu qu'il est ministre actuellement, il le laisse tranquille. Voilà. Mais est-ce que c'est... Il y aurait des preuves. C'est avéré, du coup ? Enfin, la justice n'a pas été rendue, donc on peut pas dire que c'est police partout, justice vrai partout. Ou faux. Mais il y a des gens qui ont des preuves. c'est comme putain, c'était le je sais plus comment il s'appelle, celui qui briguait la mairie de Paris pour les républicains. Grivois. Non, qui envoie Griveaux. qui a fait des grivoiseries. qui envoie, non mais t'es politique et t'envoies ta teub comme ça par message. Non mais après, qu'est-ce qui lui prend? Tu leur dis, mais qu'est-ce qui vous prend, les gars? C'est comme Macron qui dit, ce n'est pas un échec, ça n'a pas fonctionné. après, non, parce que échec, c'est connoté négativement. Tu peux essayer et louper, mais dire que c'est un échec. Bah, ça reste un échec. Bah, t'en tires des conséquences. Oui, mais échec, c'est fini, tu vois. Tu peux pas rebondir. Alors que là, il espérait. C'est vrai que c'est. Dans ce cas, c'est pas échec et mat. Voilà. C'est juste échec. Ouais, mais est-ce qu'il parlait pas aux gens qui ne comprenaient pas cette blague? Ouais. Ah, c'est possible. Ce jeu. Des gens qui n'ont pas d'humour. Après, il aurait pu dire, ce n'est pas un échec, c'est un virement. Pas rigoler, les gars. Ce n'est pas un échec. Ouais, c'est pas forcément un échec. Mais quand on tire des leçons, faut en tirer des leçons. Mais c'était sur quoi qu'il avait dit ça? Bah, c'était sur les mesures Covid. Comme quoi, aujourd'hui, si on se c'est une nouvelle vague, c'est parce que ça n'avait pas marché. Mais franchement, je trouve les gens durs avec le gouvernement. Enfin, il n'y a pas un gouvernement dans le monde qui s'en sort, hormis la Chine. Mais ouais. Parce que. Ce sont des menteurs. Tout simplement. Non, je pense pas. Non, Asie, globalement, même la Corée, hein. Même la Corée du Nord, Corée du Sud. Tout est ils vont s'en sortir alors que c'est eux qui sont point zéro de l'épidémie. Ça, on ne sait pas. C'est bizarre. On a des doutes. On a des forts doutes quand même. Ils ont quand même des millions d'habitants et ils ont même pas 5000 morts. Mais aujourd'hui, ils remplissent des stades. Hein. Ouais, et puis il y a des soirées en boîte de nuit, des trucs comme ça. Mais c'est des reportages faits par la France. Par France TV. J'ai vu un reportage fait par une émission française. La vie reprend son cours normal. Après, ils ont des contrôles de température, des trucs comme ça. Mais... Après, ils sont restés très longtemps confinés aussi, bien avant nous. Hein. Ah, mais c'était surtout un confinement vénère. Hein. Enfin, bah, comme le nôtre au final. Ouais, mais c'était confinement mignon. On avait des dérogations. Confinement là, c'était. Tu veux sortir, tu sors. Là, ouais. C'était quand même. Tu peux sortir à condition d'avoir un papier. Quoi. Ouais, mais tout le monde pouvait te faire un papier. Non, et puis surtout, s'ils savaient que t'avais le Covid, ils savaient plus rapidement si on avait le Covid ou pas. En 10 minutes, je crois, en 10 minutes, t'es au courant. Ils avaient beaucoup de tests. Et ouais. Surtout, en 10 minutes, au résultat. Ouais, et en 10 minutes, si t'es qu'à contact, tu reçois une notif sur ton téléphone. Mais après, eux, ils ont installé l'appli Stop Covid. Ils ont pas eu le choix. Ça a changé de nom, c'est plus Stop Covid. Hein. C'est tous anti-Covid. Tous anti-Covid. Je l'ai d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez, vous? Non, je sais pas. Moi, je l'ai. Bah, je sais pas, voilà. Moi j'hésite à l'installer, et mais en fait. Donc, elle fait quoi cette application? Elle te prévient. Elle te traque. Si tu as été. Si tu as passé du temps, ou en tout cas si un autre téléphone autour de toi a été. Tu as croisé quelqu'un qui a eu le Covid. Si tu as le Covid, le principe, c'est de mettre dans l'appli j'ai le Covid. Ça prévient les gens qui t'ont croisé. Ça permet à la Sécu de te prévenir si jamais tu as eu un cas contact. Ouais, c'est plus simple. À un moment donné. C'est une sorte de happen pour le Covid. C'est ça. C'est un peu le happen de le Covid. Et est-ce qu'il faut avoir le Bluetooth activé ou c'est comme la localisation? Non, il faut avoir le Bluetooth. Ça pompe la batterie du coup. Ouais, mais est-ce que ça vaut pas. Sur les nouveaux Bluetooth, ça doit pas consommer. Et est-ce que tu peux quand même écouter la musique en même temps? Tu peux écouter la musique en même temps. C'est bon, t'es convaincu. Est-ce qu'ils savent ce que j'écoute comme musique? Oui, ils analysent même tes conversations. Ils regardent toutes tes photos aussi, c'est ce qu'on m'a dit. Ils ont accès à ton historique. Merci. C'est pas joli apparemment. Non, mais après voilà, il y a cette question de est-ce que vraiment, enfin, les gens sont injustes avec les bonnes volontés. Tu vois, les mecs ont des comptes Facebook et ils acceptent sans même lire les nouvelles conditions à chaque fois de Facebook. Mais par contre, pour installer une appli anti-Covid qui peut être utile à la majorité, ils font tout un pataquès. Ouais, je suis d'accord. C'est Facebook qui aurait dû proposer ça en fait. Bah, sans le dire. Si Facebook l'avait fait, tout le monde aurait dit oui. Tout à fait. Bah, si l'État s'était mis d'accord avec Facebook pour faire un traçage, etc., c'est clair que. Ah, j'avoue, alerte attentat. Ils avaient fait l'alerte attentat sur Facebook. Non, mais c'est toi qui indiquais. Si t'étais safe. Bah, l'appareil. T'as dit que t'étais safe, le même principe. L'appareil. Sauf que vu que ça vient du gouvernement, enfin, moi je trouve que c'est quand même plus safe. Les gens sont durs. Que Facebook. Les gens sont là à chouiner. Ouais, les gens sont durs. Oui. Il aurait fallu avoir Cobus pour. Je pense que c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Quelque part, ouais, mais bon. De toute façon, en termes, ce sera ça. On aura tous une puce dans le bras. Bon, après. J'entends parler de ça. Ils ont testé Bill Gates, il voudrait pucer tous les humains sur Terre. Ouais, mais ça, c'est des trucs, des complots, de théories. Ouais, je pense. Après. Si ça permet d'avoir des infos. Non. Parce que, imagine. Imagine juste, t'es dans une situation où De cavale. De cavale, par exemple. De cavalcade. De cavalcade, ouais. Mais si, t'imagines le contrôle qu'on pourrait avoir sur toi si toutes tes informations étaient juste dans une puce. Ouais. Imagine tous tes comptes bancaires, la sécu, tout ce qui s'ensuit, tout est dans ta puce. Bah et alors, du jour au lendemain, on veut te bloquer, t'es bloqué. Du coup, si t'es en cavale, est-ce que t'es prêt à te couper le bras pour pas qu'on te retrouve? C'est ça aussi. Bah, tu l'enlèves, c'est juste sous-cutané. T'imagines, tu te coupes le bras, mais c'est pas le bon. Tu veux pas te couper l'autre en plus parce que t'as plus d'autres bras. Mais c'est juste que t'auras pas de système alternatif. Mais même aujourd'hui, en vrai, s'il y a un mec qui veut te friser tes comptes et des trucs comme ça, si t'as pas des trucs, même si t'as des trucs Revolut et des N26, ils sont capables de tout te couper, de tout te geler. Bah, en fait, tu peux toujours utiliser le compte de quelqu'un d'autre. Après, est-ce que c'est le format de la puce qui te dérange? Non, c'est le principe. Le principe, on l'a déjà en place. Non, c'est pas totalement le cas. Bah, si t'es dans les clous, en vrai, t'as ta carte vitale, t'as tes comptes et tout ça, ils y ont accès. C'est pas centralisé. C'est mal de le centraliser? La carte SIM, tout, ils ont accès à tout. Il leur suffit de dire, c'est peut-être un terroriste. C'est pas centralisé. Crois-moi, les impôts, ils ont pas prévenu quand ils m'ont prélevé sur mon compte bancaire. Ah, ils t'ont prévenu en début d'année pour te dire que ça allait être prélevé. Ah ouais, mais ça fait toujours mal. Par contre, t'oublies. Ouais, quand tu le petit rappel de 540. Moi, c'est 540. C'est parce que t'es riche. Mon prélèvement. C'est moi. Ouais, t'es riche. En parlant de puce, je vois qu'en Suède, il y a des tests, de 5000 personnes qui ont une puce implantée dans la main. Et ils peuvent utiliser les transports en commun. En vrai, ça serait grave. Faire des photocopies. Mais je crois que c'est en Chine où leur carte bancaire, elle fait aussi carte Navigo, elle fait carte digitale. À terme, ça sera notre téléphone. Ouais. C'est ce qui est amené à être. Est-ce que c'est plus acceptable dans un téléphone ou sous la peau? En fait, il y avait une moi idée, sous la peau, je suis pas chaud. Moi, je préfère sous la peau que dans mon téléphone. Dans mon téléphone, ils ont mes photos, mes dick pics. Il y avait une volonté. Il y avait une volonté de faire une carte unique avec tout ça, mais le problème, c'est que à qui appartient la carte? Est-ce que c'est à la banque? Est-ce que c'est à la SNCF? Est-ce que c'est un truc et tout? Ouais. Donc en fait, c'est hyper compliqué de faire une carte. Par contre, sur ton téléphone, comme les cartes sont juste dématérialisées, c'est beaucoup plus simple. Et c'est plus propre, je trouve. Moi, sur le téléphone, ça me dérange pas, honnêtement. Un bracelet. Mais en vrai, Google, il a déjà beaucoup plus d'informations. Ouais, après, ça, voler aussi. Moi, je préfère une puce sous la peau, c'est plus simple. Sous la peau? Mais je pense que la différence, c'est que tu te dis, avec une puce, eh ben, c'est visible. T'as pas le choix. C'est que, voilà, on te l'a imposé, alors que l'autre, bon, tu le fais un peu, t'en es conscient. Tu te voiles un peu la face. Ouais. Tu te voiles un peu la face. Alors que là, on te l'impose. Après, c'est vrai que implanter un truc sous la peau, c'est pas un peu un stérilet. Mais... On le fait aux animaux, pourquoi on le fait pas aux êtres humains? Oui. Parce qu'on est supérieur. Il y a des parce que les animaux nous le font pas. Ils ont implanté des puces dans des cochons pour les rendre plus intelligents. Ouais, c'était Elon Musk. Ouais. Bah, apparemment, ils sont pas beaucoup plus intelligents, mais ils sont quand même plus intelligents. Mais ils font quoi de plus intelligent? Bah, les cochons plus intelligents. Ouais. Ils tricotent. Non, mais ils avaient. Non, mais ça, par ils contre, ont plus froid l'hiver. Non, mais ils avaient un truc. C'était par exemple, ils partent vivre dans les pays musulmans. C'est pas très intelligent. Bah, non, par contre, il réglait des maladies en fait. C'est plus ça le principe. Puce réglait des maladies ou la puce faisait en sorte. Le Neuralink de Elon Musk, le principe c'est de se connecter aux neurones et par exemple pour certains cochons qui étaient aveugles, de leur redonner la vue. Ah ouais. Ouais. Parce que. Et aussi de déterminer. Par la pensée, s'ils devaient marcher ou pas. Tu vois, par exemple, ceux qui avaient un membre amputé, ils pouvaient du coup contrôler une partie de leur membre grâce à cette puce. Mais si leur membre est amputé, je comprends pas. Non, mais par exemple, aujourd'hui, tu vois, le gros problème, ceux qui ont un membre amputé, un humain, c'est qu'ils peuvent pas contrôler précisément leurs doigts. Ah, tu veux dire dans les prothèses. Les prothèses. Oui, les prothèses. Okay, ouais. Yes. Ah, les prothèses tibia. Voilà. Bah, c'est grâce à ce genre de puce, tu peux contrôler plus précisément. Ce genre de choses. Bah, c'est l'avenir. Ah, est-ce que ça vous fait peur ou pas? Fait flipper. Moi, je sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je pense que le jour où je me fais couper un bras, je serais bien content. Parce qu'on n'est pas dans ce type de cas où ça peut nous servir. Du coup, je pense qu'on n'avait pas de débat, mais on a quand même bien débattu. Est-ce que ce serait pas l'heure de passer à la fameuse rubrique de notre petit Gabi? Les expressions désuètes. Qu'est-ce que tu vas nous apprendre ce soir? Les expressions désuètes de Gabi. Alors, la première expression, c'est avoir un cœur d'Amadou. Un cœur quoi? D'Amadou et Mariam. D'Amadou. Exactement. D'apostrophe Amadou. D'apostrophe Amadou. A-M-A-D-O-U. Alors, Damadou. C'est une expression qui est bien connue pour ceux qui écoutent Georges Brassens. Qui écoute quoi? Georges Brassens, hein, ah. L'expression qui est connue pour ceux qui écoutent Georges Brassens. Parce qu'il en parle dans une chanson. D'Amadou. Est-ce que c'est un arbre? C'est lié à un arbre. L'Amadou, c'est un arbre? Non. C'est lié à un arbre? C'est un truc qui est sur un arbre. C'est de la sève? Non. C'est un truc fruit? Qui... Non, ça pousse sur un arbre. Mais c'est pas un de fruit. Manière illégale. Oui. Un cœur d'Amadou? Oui. De manière illégale. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire un cœur? Déjà, non, je sais même pas ce que ça veut je dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je connais le cœur d'artichaut. C'est un peu le même principe. Oui. Le cœur d'Amadou, en fait, c'est quelqu'un qui tombe facilement amoureux. En un rien de temps, il tombe amoureux très rapidement. Ah, il se fait des films directs, genre il part 30 ans en cavale. Non, c'était pas des films, mais il est il très vite amoureux. Il marié, en fait. Trois enfants, alors que ça fait 24 heures qu'il l'a rencontré. Et qui, après, il achète le Scénic direct. Le Scénic ou le 5008. Donc quand t'as un cœur d'Amadou, c'est qu'en fait tu tombes très vite amoureux. Et ça vient d'où l'expression? Et bah Amadou, c'est un champignon qui pousse sur les arbres. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, qui est rouge? Fait, non. Et qui a en fait des propriétés très inflammables. Ah, genre il s'enflamme rapidement. T'as un cœur d'Amadou, t'es comme un champignon, okay. tu t'enflammes rapidement. Et tu tues l'arbre sur lequel tu as poussé. Et là, tu mettras le petit extrait de la chanson de Georges Brassens. Tu vois? Si tu peux faire ça avec tes talents de. Est-ce qu'on a le droit sans les droits? Je crois pas. Sûr. Juste une phrase. Tu payes? Je vous la refais. Sinon, on fait une pause et je vous la refais. Deuxième expression. Deuxième expression, allons-y. Payer en monnaie de singe. C'est quand tu. Alors. C'est quand tu payes avec, de la fausse monnaie? Oui, en fait, c'est tu payes pas vraiment avec de la monnaie. C'est tu fais autre chose. Tu trouves un moyen dérobé de. C'est du troc. Et ça vient d'où? Ça vient... La goutte d'or. Non, ça vient de l'île de la Cité. Ah, beau quartier de Paris. Et oui. En fait, il y a un pont qui relie l'île de la Cité à la rue Saint-Jacques. Et il y avait une taxe pour passer sur ce pont. Le pont du singe? Et pourquoi on l'a plus cette taxe? Et on l'appelle monnaie de singe parce qu'en fait, les forains faisaient des prestations avec leurs singes. Pour ne pas payer en monnaie, ils faisaient des prestations. Ça, c'est la version officielle. Mais en réalité, j'avais entendu parler de ça. Et ça date de l'époque de Vercingétorix. Payer en monnaie de Vercingétorix. Non, de Vercingétorix. Bon, on peut pas finir là-dessus, c'est ça le problème. Ça fait deux blagues flop que tu nous fais là. En tout cas, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Non, mais là, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. C'est triste. Partager. Ne jugez pas le podcast sur la dernière phrase. Du Halwa va nous faire. Éliminer un auditeur pour la prochaine fois. Envoyez singe au 3617. Nous rattraper. En tout cas, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Et à la prochaine fois. Bisous. Ciao. Bye bye. Ciao.